questionne. Les adversaires ne font pas de toi dès que j'arrive. L'architecte, mathématique. Gratter ta dream qui s'additionne. Yeah. Écoute cet air de guitare. Ma vie c'est un freestyle. Yeah. T'apporte l'artillerie lourde, c'est pour défoncer ta porte. La balance pense du mauvais côté car t'as dénoncé ta pote. Elles ont pris ma brosse comme le fond de ma sacoche Lacoste. Tu captes trop tard autant que j'envoie mes rimes par la poste. Je fais des ronds avec ma clope car j'en ai plus dans ma poche. Je suis de loin le meilleur quand mes ennemis approchent. Le rap ouais. Explose et ce n'est qu'une pompe de plus que j'amorce. Tu comme un Anakin, passe du côté obscur de la force. Je vise dans le mille, oui cette flèche provient de ma corde. Je promets de ne pas cacher les deux minutes que tu m'accordes. Ma corde autour du poudrier, c'est au sommet que je m'accroche. Je suis en direct, je spec la peau et je peux dire qu'il y a du bon matos. Même si les gens t'aiment, je suis un MC légendaire donc parle pas trop. Cette odeur de weed pour la santé, donc je lève mon verre à la vôtre. Juste aventurier qui a grandi avec Nathan Drake et Lara Croft. Le silence règne car elle vaut bien plus que tes bijoux 24 carats. Place la parole dès le premier couplet de l'album. J'écris des rimes en pagaille et beaucoup de métaphores. Ta tête bouge toute seule quand t'écoutes mes paroles. J'gravais les paliers et j'en suis essoufflé à force. J'place la parole dès le premier couplet de l'album. J'écris des rimes en pagaille et beaucoup de métaphores. Ta tête bouge toute seule quand t'écoutes mes paroles. J'grave les paliers et j'en suis essoufflé à force. J'grave des tas de rimes qui s'additionnent car c'est mathématique. J'suis tireur d'élite et j't'assure que j'ne vais pas rater ma cible. Pour joindre les deux bouts, il ne suffit pas de rapper racine. J'rêve d'une douche à l'italienne et d'une Maserati. Si tu rappes et que tu ne connais pas IAM, revois tes classiques. Faut prendre les bonnes décisions même si le choix te fait mal fils. Je suis le maître de la reine même que le roi et sa fille sont à ses côtés. Mes adversaires font pas le poids dès que j'arrive. Je les sens emportés par la mer, c'est qu'ils sont instables, t'es navé. Avec mon semblable élastique, je vais accompagner sa rime. C'est pas l'heure du freestyle back, mais j'ai plus d'un tour de mon sac. Et je manie l'impro, c'est parce que je suis parti de cette arrêt d'artiste. Clasher ton temps, c'est t'entendre, mais n'oublie pas que j'ai de la répartie. Plus j'avance et plus je pense que tu perds ton temps à étaler ta fille. Le public ne bouge pas, crois que je suis dans un état léthargique. J'écris des rimes en A et A et I, car c'est mathématique. Place la parole dès le premier couplet de l'album. J'écris des rimes en pagaille et beaucoup de métaphores. Ta tête bouge toute seule quand t'écoutes mes paroles. J'grave les paliers et j'en suis essoufflé un fort. J'place la parole dès le premier couplet de l'album. J'écris des rimes en pagaille et beaucoup de métaphores. Ta tête bouge toute seule quand t'écoutes mes paroles. J'grave les paliers et j'en suis essoufflé un fort. J'en suis essoufflé un fort.